apparaître, CISF jusqu'au cabaret. Peu importe la station, tu peux pas terminer l'émission sans rémission dans une forte prestation. Die and Sue apporte la préparation. Entrevue musique en continu sans séparation. Déclaration, le show le plus mang en ville arrive avec un soin contagieux, le monde en veut. C'est Ghetto Érudit. Yes, bonsoir tout le monde, bienvenue à l'émission Ghetto Érudit sur les ondes de CISM 89,3 FM. C'est B Brain au mic avec vous, il y a Da dans la place, on a Noëlla dans la place à être. Ce soir, grosse émission, on reçoit deux invités. On a Cédric, le vieux chef, qui vient nous parler de son album La Vieille École. On l'aura un petit peu plus tard dans l'émission, l'album qui sort très très bientôt. Puis on a aussi la visite de Jules, en fait c'est le porte-parole de Gros Joueurs. Yeah. Une compétition de jeux vidéo rétro, c'est ça, Da? Ben c'est ça, en fait, j'en avais glissé rapidement un mot la semaine dernière. C'est un concept de compétition de jeux rétro pour le monde qui sont pas geeks, donc pour du monde normal. Les jeux en compétition pour la deuxième édition, ça va être GoldenEye au Nintendo 64 et Mortal Kombat 2. Donc Jules va pouvoir venir nous en parler davantage un peu plus tard. Sinon, on invite encore les gens à réécouter la semaine dernière parce qu'à chaque émission. Semaine, c'est tout le temps des classiques. Là. Ils peuvent se rendre justement, rendez-vous sur le site ghettoerudit.com. Vous avez le résumé écrit par notre boy Caïman. On recevait les Fresh Makers, donc Soke et l'équipe de Silence d'Or pour son projet Soke Sound System. Vous pouvez aussi réécouter l'émission via l'article sur notre site internet. Puis, on se remet de la soirée d'hier. Grosse soirée, c'était les Word Up Battles, 7e édition, Ben Mathieu. C'était incroyable. Grosse soirée, c'était sold out, même que je crois qu'ils ont dépassé la capacité là-bas. Heureusement, il n'y a pas eu de débordement, il n'y a pas eu de problème comme à d'autres éditions. Il n'y a pas eu de tarte, il n'y a pas eu de couteau. Il y a eu beaucoup d'attitude, mais, mais sinon, grosse soirée hier. Puis c'est ça, on a une grosse émission ce soir. Justement, le premier bloc, écoute, ça se poursuit de semaine en semaine. On n'a pas le choix, c'est des hommages cette semaine. On a perdu, il y a un gros nom du rap américain qui nous a quittés. On parle ici de Nate Dogg. En effet, donc, Nate Dogg, une des légendes du West, du gangster rap. Le gars, il a grandi G-Funk. Avec les Snoop Dogg, les Warren G's, les Dr. Dre, les DJ Quick. Fait que, tu sais, le gars... C'était vraiment la référence, combien de hits qu'il a créé par sa voix, par ses hooks. On peut parler de Area Codes, on peut parler de Oh No. Nombre, il y en a tellement, il y en a une cinquantaine de hits faciles. Mais on sait qu'il était malade dans les dernières années. Il a subi, je crois, c'est des infarctus à répétition. Des crises de cœur. Bon, le gars, il avait une santé assez fragile. C'est dommage parce que c'est quelqu'un qui avait seulement 41 ans, donc il était quand même jeune. Et puis, bon, malheureusement, il est parti rejoindre tous les autres dans l'au-delà. Donc, on voulait rendre hommage à Nate Dogg, qui, selon moi, qui a été une part importante de ma jeunesse dans le temps que j'écoutais beaucoup de Dog Pound, Snoop, Warren G. Donc, on se devait de faire un hommage, quitte à pas encore passer de nouveautés américaines, mais bon. Puis c'est pas facile de prendre, choisir des tracks pour une demi-heure, parce qu'il y en a tellement, il y a tellement fait de refrains, de collabos. Effectivement. La sélection, elle a été difficile. C'était difficile, mais ça s'est ramené à 6 morceaux. Donc, tout d'abord, on va starter avec un de mes morceaux préférés sur lequel Nate Dogg collabore avec Warren G. C'est « Nobody Does It Better ». Ensuite, Nate Dogg, il y avait des albums solo aussi. Oui, oui. Un qui s'intitulait « G-Funk Classics », donc la pièce « Bag of Weed » qu'on va entendre avec la participation de Trady du groupe Eastsiders. Trady, malheureusement, qui purge une longue peine de prison. Je pense pas qu'on va le revoir sur le micro. Ensuite, une pièce de 213 qui était le collectif formé de Snoop Dogg, Warren G et Nate Dogg. Donc, c'est la pièce I'm Fly. Et d'autres pièces de Nate Dogg, Diddy Dum, Diddy Doo, tiré de son album Music and Me avec Snoop et Warren G aussi. Pourquoi pas une pièce de Doggy Style aussi, un des albums les plus importants selon moi du hip-hop. Ain't No Fun If The Homies Can't Have None avec Nate Dogg. Incroyable morceau aussi, Warren G. Et on va clore ça avec le morceau qui a fait connaître Nate Dogg. Ouais, ouais, ouais. C'est Regulate sur l'album, le premier album de Warren avec G. Avec son cousin Warren G, c'est ça? En fait, Warren G, c'est le cousin de Dr. Dre. Mais c'est pas le cousin? Non. Okay. Donc, mais c'est la famille, la grosse. Oh, ouais, c'est ça. Puis, bref, ça a été un très gros hit. Encore aujourd'hui, c'est un classique. Donc, on vous bombarde avec cet hommage à Nate Dogg. Rest in peace. Vous écoutez le show le plus mong. Nobody. tripping, my mind is blocked. Nate Dogg just did it, so it's time to concoct. No one can do it better like this two-man crew. They say we want here to quit us, now what y'all gonna do? Always into something, that's my name. Only out for money, hey, cause that's the game. People always ask me why I'm out for scratch. He who has the most is he who won the match. Strike one, me and Nate Dogg is a match. Strike two, leave them standing still in their tracks. Strike three, you could call us 213. It's the L and the B that makes me act like a G. My exhibition started back in 93. When wasn't nobody listening but Warren and me. To all the non-believers now I bet you see. Nobody does it better than me. There's no accident for these platinum hits. So when we make it, you show love. Banging in your club, hanging with your thugs, giving up G-love. Do you remember back on the east side, when all of us niggas used to love to ride? We didn't care what we did. Time was nothing to us, we were just kids. Times are different now, but you still get stuck. I'm not a kid no more, I just don't give a fuck. So if you really think you wanna step to me, keep this in mind, nobody does it better than me. Say go now, hot rap singles on the charts now. Got a baby, so I'm breaking hearts now. On your mark, get set, it starts now. All you pimp player hustlers now, you know. You can't keep me out once you crack the dough. Either join the team or it's best you flee. Nobody does it better than me. They can come closer than close, yeah. We'll be right back. but this time I'll bring the bag of weed. You can bring the bottle of wine. Call me whenever we can get together and have us a real good time. I'll bring the bag of weed. You can bring the bottle of wine. Call me whenever we can get together and have us a real good time. Call me whenever, but never ever after 10. Cause I gots to be at home with my bitch and my kids. I hit the skin, split the twin lips of love of pork. Get to digging in your ligaments and bust your heart. Cause from the start, soon as we sparked the bag, I broke. I seen you choking through the smoke. Notice your titties was toned, your coat. Up in the game that I came to spit. I cracked the Hennessy and in the deep and gangsta shit. You wanna get with this? Or is you finna twist the game up and make me come just to say you came up? And gang, what, another strike on your wrist? When you could've kept your mouth shut and right on the step with the program, knowing damn well you're wrong, girl. Cause I shook you and took two of your homegirls. You played yourself, so I had to leave. Baby, should've just chilled off this bag of weed. I'll bring the bag of weed. You can bring the bottle of wine. Call me whenever we can get together and have us a real good time. I'll bring the bag of weed. You can bring the bottle of wine. Bring the fat ass bag of weed, I just now left the spot. You can bring the cold ass bottle of wine and make that your first stop. I can bring the fat ass bag of weed, I just now left the spot. You can bring the cold ass bottle of wine and make that your first stop. I'll bring the weed. I can bring the fat ass bag of weed, I just now left the spot. You bring the wine. You can bring the cold ass. Welcome to the church, volume 2. Exclusive 213. Got my nephew Nate Dogg in the house. Nate Dogg, holla at him, where you at? Riding in my car. And I'm listening to the radio. I'm listening to a sad girl sing. Sang about how she got her heart broke. People reaching for stars. I just want me something natural. When you're alone, it gets mighty cold. Don't act as if you did not know. She let me play with her heart. I'm working late, I said I'll soon be home. All the while the girl was on her phone. Let me tell you what she crying for. Why? Cause I'm fly. Hey, super fly. Nate, go. I'm fly. You know he's super fly, but me, I'm super duper, and I'm super duper fly. I be the greatest, I know you waited this, and I wanted this to be your labyrinth and so strenuous. Then you just fly by and whiz age, you want another piss age. Is that the way that you going for his age? I know you're feeling all hurt inside, but won't you talk to a player? Let me help out your pride. I'm like a counselor, a pastor, a priest, or a psychologist, a shrink on a freak peek. My technique, I wear mink skater boots, and I'm the rip that gets the loot. And I ain't afraid to shoot, and I love to toot-toot. Beep, beep as I slide up the street. I'm from the LBC, and I don't know what y'all done heard about me, but I'm a C-R-I-P with some P-I-M-P too. I'm a real pimp player from the 213 crew. Now look here, boo, if you gon' bang or hang with the dog, you best to get in. Holla at her, Nate Dogg. Riding in my car, and I'm listening to the radio. I'm listening to a sad girl sing. Sang about how she got her heart broke. People reaching for stars. I just want me something natural. Is that right, when you're alone, it gets mighty cold. Don't act as if you did not know. She let me play with her board. I'm working late, I said I'll soon be home. All the while the girl was home alone. Let me tell you what she crying for. What's my crying for? Fly. Hey, super fly. Nate, don't. Yeah. Oh, oh, I'm fly, yeah. Warren G. Three-piece with a mink. Gotta think my shit stinks. Stacey Adams with a drink. Pockets pat them, they come from Brink. So what the ladies wink? You the one in the Mercedes. Shotgun with the thing. Cold chillin' watching the Lion King. Crying and things. Cause I'm with Snoop and Nate. Singing, rhyming and things. I'm out late cause I'm grinding for change. I ain't with dying for dames. Cock back and I'm trying to aim at everything that be hating my fame. Since regulating, been lacing the game. Ain't no mistake in the game. 2-1 mother effing thrizzle. Sipping on the sizzle. And that's the shizzle. Four times for the riddles. You know these bars. Everywhere we go, you know who us are. You could tell by the car. Champagne, caviar. Bubble back. I say I love you. And I laugh. I'm in my car. And I'm listening to the radio. I'm listening to a sad girl sing. Sang about how she got her heart broke. Stars. I just want me something natural. When you're alone, it gets mighty cold. Don't act as if you did not know. She let me play with her heart. I'm working late, I said I'll soon be home. All the while the girl was home alone. Let me tell you what she crying for. Why? Cause I'm fly. Yeah, he's super fly. Super fly. Nate, go. Oh, I'm fly, yeah. Nate Dizzle, Fred Rizzle, put the pieces to the puzzle. All the ladies cool like sex like I do. Say what, say what? Come up to my room. Holla at me. I'm gonna give it to you. Give it to him, dog. I got homies who make chips like I do. Get like your money, dog. This one's for you. This for sure, for sure. I'm dead. Yeah, got the freak on it. Freak, freak on it. Yeah, I speak on it. Last week on it. Snoop, we go double G. I'm on the mic, dog. On it. You want it? Here we go again. About to flow again. Take you out, cause I'm about to bust a hoe again. Got the flow again. Throw it in. Mix it, cook it. Gumbo jumbo. It just don't quit. Get them chips, mac that bitch. Keep it on the under, make them wonder. Do it with no blunder. Snoopy Dee Gold Double G gets the job done. No matter what they say about me, they doubt me, they can't fuck with the D.O. Double, yes indeed, that's I. The piss eye, I do it to the dick, I diss eye. All the ladies cool like sex like I do. Sex like I do. Come up to my room. I'll add me. Give it to you. Give it to my dog. All the homies cool make chips like I do. Get your money, man. This poppin', still hit droppin', coming strong just as long as the beat knockin'. Looking at the clock won't do no good now. Everybody party cause we out of the hood now. Fred Rick hit Goldie on the Duke's way. Tell him it's crackin' and see what Snoop say. The coupe lay posin' in the parking lot. And I'm pullin' dime pieces off the top. Eshawn, Yvonne, Candy, Pam, Maisha, Tisha, Sandra, Ann. So mask off for alcohol, close the bar. We doghouse deep and we rollin' hard. All through the night, better hit it all day. Every girl in the car gonna get the same way. Say you wanna turn me on when you did it, let's play. You wanna share it with your friends, just admit it. Three-way, three-way, on the freeway, the G-way, fuck what he said. All the ladies cool like sex like I do. Holla at me. Come up to my room. Holla at me. I'm gonna give it to you. Give it to him, dog. Get your money, man. Yeah, yeah, yeah. Do I like it? Yes. Do I mean it? No. Let me hook this double thing up real quick. I love it. Pussy always make my day flow smooth. If I don't get me none, I have a fucked up attitude. Back off a jack off. I'm far from playing games. We some pimps, punk bitch. No need to explain. Now look at lil' mama right there. She strange, suck dick, and she don't even care. Man, I'm all about breaking these hoes, shaking toes. Make the trick, take off her clothes. Shoot it in her nose, money fingling, dingling toes. Man, Pete game, got bros. Cunt love cock and cock love cunt. I be feeling like the sex in my blunt. Hey Casey, where Tracy at? She said daddy, she in the front, washing up the lack. Jumped in my shit, hit the switch, start smashing. Headed to another spot to fuck some more asses. All my niggas like doing a damn thing. Happy beat it up like my nigga Booty Dane. Hell yeah, I love sex. Because after I'm done, I'm like, yes! With my dick going hard. Church to them hoes that be fucking superstars. Your fat ass with a fat dick. When I met you last night, baby, before you opened up your gap, I had respect for your lady, but now I take it all back, 'cause you gave me all your pussy, and you even licked my balls. Your number on the cabinet, and I promise, baby, I'll give you a call next time I'm feeling kinda horny. You can come on over and I'll break you off. And if you can't fuck that day, baby, just lay back and open your mouth. I never have no motherfucking endo to smoke. I get sloped and loony. Bitch, you can't do me. Do we look like BBD? You hoochie groupie. I have no love for hoes. That's something that I learned in the pound. So how the fuck am I supposed to pay this hoe? Just the latest hoe. I know the pussy's minds. I'ma fuck a couple more times. And then I'm through with it. There's nothing else to do with it. Pass it to the homie. Now you hit it. 'Cause she ain't nothing but a bitch to me. And y'all know that bitches ain't shit to me. I gives a fuck. Why don't y'all pay attention? Approach it with a different proposition. I'm corrupt, ho. You'll never be my only one. Trick ass bitch. If you know fun, if the homies can't get enough. If you know fun, if the homies can't get enough. If you know fun, if the homies can't get enough. If you know fun, if the homies can't get enough. Guess who's back in the motherfucking house with a fat dick for your motherfucking mouth. Hoes recognize, niggas do too. 'Cause when bitches get scandalous and pull a voodoo, what you gon' do? You really don't know. So I'd advise you not to trust that hoe. Silly of me to fall in love with a bitch, knowing damn well I'm too caught up with my grip. Now as the sun rotates and my game grows bigger, how many bitches wanna fuck this nigga named Snoop Doggy? I'm all the above. I'm too swift on my toes to get caught up with you hoes. But see, it ain't no fun if my homies can't get a taste of it, 'cause you know I don't love it. Woo! Hey, now you know. Inhale, exhale with my flow. One for the money, two for the

The Reign of Unending Terror, Protest the Hero, Scorylos, en magasin le 22 mars. Ne manquez pas le spectacle de Protest the Hero le 25 mars au National. Il se passe rien? Mais si, j'ai l'impression qu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? On est dans le noir. Tu entends? Regarde, tu entends des gens. Il y a des gens, non? Il y a comme des bruits. Ouais, j'entends quelque chose aussi. Des pop, des... Des... Ouh. Ah, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Quelqu'un peut rallumer? La direction et toute l'équipe de votre discothèque vous souhaitent un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, CSM. Ah oui. La radio la plus à gauche de la bande FM loge quand même depuis 20 ans à l'Université de Montréal. Oui, à l'Université de Montréal. Nous en sommes très fiers. Longue vie à CISM. Right. Vous écoutez CISM. Yeah, yeah. Bon, on aime ça. C'est là que ça se passe. Et voilà, confirmé. Et l'arbre est dans ses feuilles. Marilyn, Marley. Ça, c'est sur les ondes de voyons donc. Ah oui, la radio. Qui s'inspire des dieux grecs, qui fait sourire beaucoup, beaucoup. Selon moi, la meilleure. CISM, la marge. Plein de bijoux là-dessus. Alors, ça va être du gros stock et de la programmation indéniablement infaillible. Le show le plus mort en ville se poursuit. Alors, on monte le son, ça va être mental. Bonne écoute. Let's go. Du 16 au 26 mars, le jazz sera sur toutes les lèvres. Pour sa 11e édition, Jazz en rafale célèbre le jazz au féminin. 24 concerts à l'Astral et au Upstairs et une centaine d'artistes, dont Jerry Allen, Elisabeth Contomanu, Terry Lynn Carrington, Linda O, Shimrit Shoshan, Jane Bonnet, Géraldine Laurent, Julie Lamontagne, Min Ranger et bien plus. Jazz en rafale, c'est aussi le concours de la relève Jupiter Van Doren et des classes de maîtres avec de grands artistes internationaux. Toutes les informations sur jazzenrafale.com. Un événement présenté par Télé-Québec, l'ULUB et Le Devoir. Écoutez CISM 89,3 FM. De retour à l'émission Ghetto Érudit. On vient de passer la première demi-heure. C'était notre bloc hommage à Nate Dogg. Donc, rest in peace. J'espère que vous avez apprécié. La sélection n'a pas été facile pour nous. Il y avait plusieurs grosses tracks là-dessus. Entre autres, dans, on fait-tu un petit recap du bloc? Donc, il y avait Nobody Does It Better, ensuite Bag of Weed, ensuite I'm Fly, ensuite Diddy Dumb, Diddy Do, ensuite Ain't No Fun, et finalement, le tracks de Nate Dogg et Warren G, Regulate. Regulate. Donc, on a notre invité dans la place à être. Il vient nous présenter son prochain album, La Vieille École. What's up, Cédric? Yes, Cédric à la météo. Il fait présentement 6. Tu remplaces Noëlla cette semaine? Ouais. So, le projet La Vieille École, ça fait combien de temps que tu travailles là-dessus? Ben, je dirais que ça... Peut-être 2 ans que je m'y jette le tout. J'ai enregistré un paquet de tracks pour en rassembler 15, là. OK. Ça a-tu été difficile de couper, couper dans les pièces? Non, pas vraiment. Je vais faire un autre album sûrement que le restant de ce qui restait. J'en masse de stock. Fait que, non, c'était assez simple. OK. Cet album-là sort, je crois, c'est le 22? Ouais, 22 mars. Nous, on a eu la chance de l'avoir hier. On l'a écouté aujourd'hui. Justement, ça s'appelle La Vieille École. Il y a une grosse saveur old school là-dessus. Puis yep. Justement, on en parlait. Il n'y a pas beaucoup de collabos. Puis t'as fait tous tes beats, finalement. Ouais. Ben, c'est un choix personnel. Je voulais, comme tu dis, j'ai tout fait mes beats. Je me suis tout enregistré moi-même. Je voulais vraiment me payer un trip à moi tout seul. Puis ça me tentait pas de courir après des feats. Puis blabla. Ouais. Fait que j'ai pogné trois feats pour des refrains. That's it, pour un petit peu de hook. Sinon, j'ai tout fait moi-même. Là-dessus, justement, pour les refrains, il y a Mello B, P-Noise et Davey. Yeah. Davey, ancien membre de Complice. Yeah. Vous êtes toujours en contact, en bon terme. Ouais, aussi. Il fait partie aussi du collectif Les Douze Singes. Fait que, c'est officiel maintenant? Ouais. Mais on a toujours travaillé ensemble, pareil. C'est juste lui. D'autres projets que... Plus, il est plus concentré sur le R&B pour son projet solo en ce moment, mais on n'a jamais arrêté de travailler ensemble. On est des chums avant tout. Fait que ouais. Aussi, fait que... Puis lui aussi, il prépare un album qui nous disait... Plus saveur R&B. Ouais. Que... Puis sinon, bon, c'est ça, t'as fait, comme on disait, t'as fait tous tes beats et tout, mais il y a DJ R qui a travaillé avec toi là-dessus. Ouais. Ben, en réalité, moi, j'ai tout fait, puis j'amenais ça à... Arg, puis j'ai dit amuse-toi, je veux que ça sonne old school, mais moi des scratchs, il a fait les arrangements, le mixage, le tout, mettons. C'est du lourd, sérieux. À première écoute, ça s'écoute très bien. Déjà, cet album-là va être disponible en magasin, c'est ça? Partout, HMV, Archambault, toutes les plateformes numériques inimaginables. Partout, là. Puis, ça sort sous quel label, ce projet-là? Ça, c'est sur mon label, Cédric Street. Cédric Street? Ouais. Tous mes projets ont sorti sur mon label. Puis, pour ce qui est de UKase, peux-tu me parler un peu de cette équipe-là? Ben, UKase, c'est en réalité une équipe, ils font plusieurs affaires. Eux autres, moi, en réalité, je travaille avec eux autres pour la question média, puis pour les papiers aussi, monter les papiers. La job plate, là, mettons que... Moi, je déteste m'arranger pour aller à la recherche aussi de subventions, etc. Là, ils back pas mal le projet, fait que ça roule bien avec eux autres. Tu as sorti aussi, je crois que tu as deux vidéos déjà de sorties pour cet album-là. Ouais, puis là, j'ai sorti aussi un petit net clip de la chanson Lève tes mains là, que j'ai mis sur le net. On voit justement les 12 singes, on les voit pas mal là-dedans. Genre de petites vidéos. Faisait un petit party, une petite réunion. On a décidé de faire une petite vidéo sur la brosse, ça donne ça. Hier, on s'est vu au Word Up Battles. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de cette ligue-là? Ah, c'est nice. Ça va bien. Là. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, dans le sens, faut préciser aux gens, ton vidéo, ton battle contre Dirt Diggler et la vidéo des Word Up qui a le plus de views à ce jour. On parle d'au-dessus de 100 000. Ouais, 140. Puis, est-ce que tu prévois faire un retour éventuellement dans cette ligue-là? Ben, pour l'instant, je suis plus concentré sur mon album. Je dis pas non, mais je sais pas. Pas pour l'instant. C'est un... C'est pas la même chose que la première édition, mettons, là, les gars ont plus faim, puis ça devient plus personnel, puis je pense que je suis une cible trop facile pour aller là, vu que j'ai beaucoup de projets, puis que mon nom circule beaucoup, je suis facile à atteindre, tandis que les autres, souvent, tu sais, les gars, ils ont deux tonnes sur un mixtape, là, ou whatever, fait que c'est plus dur à aller creuser, puis... C'est peut-être pas mon genre non plus de passer trois verses à 10 la main de l'autre, ou c'est ça, fait que, tu sais... Je vais plus large dans mes lyrics comme le premier Word Up. Sinon, je vais peut-être y aller un autre plus tard, mais pas pour l'instant. Puis pour mettre les pendules à l'heure, dernièrement, on recevait Wong Sifu. On le sait qu'il y avait eu un battle de programmé entre toi et lui qui finalement n'a pas eu lieu. T'as entendu parler de qu'est-ce qui s'est dit. Toi, as-tu des commentaires par rapport à ça? J'ai parlé hier, mais là, il dit qu'il n'a pas dit ça. Puis, non, lui, qu'est-ce qu'il dit, lui, c'est parce qu'on était supposé être matché au Word Up 3. Puis moi, j'avais cancellé un mois d'avance. Fait que tout le monde savait, okay. Tout était beau. J'ai jamais cancellé. Le Word Up 4, on était prêts. Puis la veille, c'est lui qui a choqué, qui a dit non, je vois pas, ça me tente pas, ça va mal dans ma vie, puis blablabla. Fait que hier, on a remis les pendules à l'heure, puis lui, il dit qu'il parle du Word Up 3, mais. C'est okay. Correct, mon Wong, pas de problème. On espère voir ça un jour. Si on avait une pièce à présenter aux auditeurs, une première pièce, après on reviendrait pour une deuxième, un deuxième bloc d'entrevue, on présenterait quoi, le single? Ouais, on va y aller avec La Vieille École, le single de l'album, non? Avec P-Noise. So, on se quitte avec ça sur les ondes de CISM. Kanye West, mais j'ai plus de skills. J'ai pas Def Jam qui me back, j'marche un peu comme Lil Bill. J'suis pas parti du billboard ni du magazine. J'suis pas le bling de Rick Ross ni les limousines. J'suis pas les slots qui se frottent sur mes new running. J'suis pas le budget pour vivre l'American Dream. J'suis pas le jet privé, encore moins le Boeing. J'suis pas la pile de pièges, juste un peu de screening. J'ai pas tourné en vue, peut-être deux, trois shows. J'ai jamais eu de succès avec les grosses radios. J'ai pas de commandite pour m'habiller en yo. J'ai pas de manager pour me gratter le dos. J'ai pas les VIP de gars comme Jay-Z. Le champagne que je bois, ben c'est une marque cheesy. J'ai pas le look Versace ni la coupe preppy. Mais ce que je fais c'est vrai, fait que lève le son de l'appli. You know I'm a star, I don't have to prove nothing. I don't wanna be like those rappers who be fronting. Gotta get mine, motherfuckers be bluffing. All I wanna do is lay back and smoke something. I wanna live my dream without selling my soul to the industry. If you know what I mean, it's Chief Rocker, Paranoid's making history. Hey, you're the Lord Chief Rocker, number one Chief Rocker. The Lord Chief Rocker, number one Chief Rocker. The Lord Chief Rocker, number one Chief Rocker. The Lord Chief Rocker, number one Chief Rocker. J'ai pas une grosse machine, j'roule en familial. Non, j'ai pas des Mac Manson familial. Y'a pas de patin sur moi dans ton petit journal. Comme Cédric est rendu accro à piste de cheval. Quand j'donne un show, y'a 50 boys dans la salle. 25 artistes plus 25 guests. J'ai pas le cachet pour m'offrir une Rolex ou pour m'offrir un appendance avec un paquet d'hôtesses. J'ai pas de privilège quand la police m'arrête. Non, j'en reçois mon ticket puis j'en repars la bête. J'ai pas le swag en moi puis la bake clean cut. J'serais pas de pitbull dressé pour chop chop. J'ai pas la méga pion avec 36 chambres. J'ai un petit 5,5 avec des murs qui tremblent. Si j'vivrais de mon rap, j'mangerais pas grand viande. J'mangerais mes ongles, j'mastiquerais ma langue. J'ai pas le compte de poil, platitude d'un pimp. J'suis pas la mode Cameron avec des vêtements pink. J'ai pas de bodyguard comme Snoopy Wayne. Mais j'peux te fight jumping come the house of fame. You know I'm a star, I don't have to prove nothing. I don't wanna be like those rappers who be fronting. Gotta get mine, motherfuckers be bluffing. All I wanna do is lay back and smoke something. I wanna live my dream without selling my soul to the industry. If you know what I mean, it's Chief Rocker, Paranoid's making history. Hey, you're the Lord Chief Rocker, number one Chief Rocker. The Lord Chief Rocker, number one Chief Rocker. The Lord Chief Rocker, number one Chief Rocker. J'ai jamais fait de compte plus que deux petits jours. J'ai pas le goût non plus d'y retourner faire un tour. J'ai pas de gun sur moi, ça serait ben trop lourd. J'ai pas la marque du street, man, j'suis ben à ma cour. J'ai pas la super click, pis les super clips, pis les super chicks dans des super kits. J'ai pas la super pub pour mon super disque, ni de super hit pour du super fric. Non mais j'suis là très très chaud comme au Mexique. Très très vite comme Flash Astro. Ma musique, sa culture, son lexique. Et le vieux de la vieille, mais il est toujours d'actif. You know I'm a star, I don't have to prove nothing. I don't wanna be like those rappers who be fronting. Gotta get mine, motherfuckers be bluffing. All I wanna do is lay back and smoke something. I wanna live my dream without selling my soul to the industry. If you know what I mean, it's Chief Rocker, Paranoid's making history. Hey, you're the Lord Chief Rocker, number one Chief Rocker. The Lord Chief number one Chief Rocker. The Lord Chief Rocker, number one Chief Rocker. The Lord Chief Rocker, number one Chief Rocker. Yes, yes, La Vieille École. Chief Rocker. Yeah. collaboration avec P-Noise. P-Noise, ça fait longtemps que tu roules avec lui quand même. Hein? C'est, ouais, c'est ben, un bon bout, je le connais. Fait que, quand je suis capable de le pogner, je le rentre en studio, fais-moi une coupe de refrain. J'ai hâte d'entendre ses trucs, ses projets. Lui, très talentueux. Là, ouais. Sinon, Cédric, justement, bon, le 22 mars, c'est disponible en magasin. Ouais, il y a un lancement qui s'organise. Hein? Ouais, samedi le 26 au Café Chaos. C'est pas une 5 à 7 non, sandwich. Non, c'est ça, c'est plus un show. Parfait. Cinq à 7 sandwich. Parce qu'on sait que B-Brain, il aime bien ça, les 5 à 7 sandwich. Il viendra pas, il n'y aura pas de sandwich. Il est à tous les lancements, à tous les cocktails, comme un autre gars. Ben, il y a de moins en moins de cocktails, les gars, pas de budget. Ouais, c'est pas facile. Non, mais moi, c'est ça, c'est pas un 5 à 7, c'est vraiment un show, puis ça coûte 10$ à la porte. Puis je vais faire une les portes ouvertes à 7h, je fais une performance à 8h. Puis, fait qu'arriver à l'heure parce que ça va être vraiment calculé. Puis après ça, je vais faire une performance avec 12 singes. Je mélange des tracks solo de Saint-Saul, Lex, Cardinal Voitla, French Blanco, etc. Là. Mais là, c'est ça, on parlait, on recevait Card ici dans les dernières semaines. Puis on parlait justement que ça bouge beaucoup là, avec les 12 singes. Il y a des gens qui quittent, il y en a d'autres qui arrivent. Ouais, c'est comme une équipe de hockey. Là. Ouais, c'est ça, il y a des transactions. Ouais, c'est ça. Ben, tu sais, je pense que vous avez un bon DG. Ouais. Ben, tu sais, travailler avec 12, c'est pas évident. Non, non, c'est un projet qui avance toute la kid, mais tu travaillais avec 12 déjà là. Moi, j'ai eu des groupes comme avec les Chiefs ou le Team ou Complice. Puis on était juste 2 à 4 personnes, puis c'était tout le temps le free-for-all là-dedans. Fait que 12, c'est vraiment pogner 12 personnes avec la discipline, puis que le bateau roule en même temps. Puis c'est pas évident. Fait que. Puis il y en a comme qui sont débarqués SPS, Ready Cruiser, Farf. Eux autres, c'est plus une question personnelle. Puis comme Farf, lui, il y a plus ses choses aussi solo, ça roule bien. Fait que. Il était peut-être trop occupé pour embarquer dans le concept. Ouais, c'est ça. T'sais. Puis en gros, là, il y a un projet concret qui va ressortir de cette collabo. Ouais, il va y avoir un projet d'album pour 2012. Là, il y a 3 tracks qu'on est en train de préparer. Une track avec les 12, puis 2 tracks 6-6, avec 3 vidéos pour cet été. Fait que ça va donner de la promo pour l'été, le printemps. Fait que Déjà, je vous invite les 12. Quand vous allez avoir votre projet, vous allez pouvoir débarquer. Si vous pouvez être là les 12, faire une prestation live, tous les gars en même temps, ça serait complètement fou. L'invitation est lancée. Puis justement, ça doit être malade dans le show, tous ces gars-là. Ouais, ben comme je te dis, le projet il est en marche. Fait que, on n'a pas eu la chance encore. On a eu la chance de faire une couple de performances, mais on n'a pas vraiment de stock de 12 singes à pitcher sur scène. Fait que c'est pas mal des tracks de tout le monde solo. On a fait une couple de chansons que le monde a pu voir sur YouTube, mais ça, c'était plus des tunes qui allaient sur le projet Street de John. Fait que c'était pas du 12 singe officiel. Je pense qu'il y en a qui s'énerve le poil. On n'a rien fait encore. Puis, tu sais, on est déjà dans les fêtes de l'année. Puis, whatever. Tu sais, la panique s'est emparée de cette affaire-là. Puis, on n'a rien fait encore. Puis, c'est tant mieux. Mais ça fait jaser. Oh, ouais, c'est ça. C'est juste de gros. Tu sais, qu'il n'y a rien de sorti. Puis, que ça fasse autant jaser. Puis, tant mieux. Mais officiellement, actuellement, qui sont les 12 singes? Les 12, on a moi, il y a John, Saint-Sou. En réalité, c'est une idée de nous trois, John, Saint-Sou puis moi à la base. Il y a French Blanco, Cardinal, le Keb, l'extrémiste Zen, Vulgaire. Wow! Cool. Nice Rock, de Cavalier Noir, M.I.G., Cheek 13, Crooks. French Blanco. Ben, c'est ça, dans les noms que tu veux nommer, l'extrémiste c'est vulgaire, je l'ai appris hier, j'étais surpris aussi, on ne savait pas. C'est quand même dope. C'est vieux partner aussi, puis ça fait longtemps qu'on rappe aussi ensemble. Pis, il pourrait en avoir plus que 12 singes, il faut se limiter à 12 singes, c'est sûr. Puis, je voulais dire, genre, peut-être amener un peu de maturité aussi, un peu plus de rap old school aussi. Un autre genre de flavor, tu sais, en allant chez des plus vieux comme ça. Et Keb va pouvoir amener des refrains R&B, tu sais, des hooks différents. Puis chacun, en réalité, le but là-dedans, c'était de réunir 12 gars, mais complètement différents, puis de faire une sauce avec ça pour... Bon, on a très hâte d'entendre ce que ça va donner. Sinon, il y avait des rumeurs dans les dernières années au niveau de Complice. Est-ce que c'est y a un retour envisageable de ce duo-là? Non, je pense pas. Non, hein? Le Keb, il prépare son album solo plus R&B, puis okay. Il fait aussi avec 12 singes, mais on a complètement des projets différents. Fait que nos horaires ne permettent pas non plus aussi de se voir comme quand on était plus jeune, tout le kit. Fait que, ouais. Non, on fait toujours de la musique ensemble. Comme ça, mais pas pour un projet. Ça. Puis tes capsules de cuisine. Ouais, c'est ça, je voulais aussi. Parce que t'étais un chef cuisinier ouais. aussi. Ouais, j'ai plein de métiers. j'ai plein de projets. Non, mais ça, c'est mis comme sur pause pour l'instant. Parce qu'on voulait le développer un peu plus, mais ouais. C'est un projet, c'est dur à développer. Fait que j'avais fait une dizaine d'émissions, mais c'est pas mort encore. Là, ça serait juste de le refaire avec un site puis plus solide, plus régulier, plus. Parce qu'on a commencé ça encore pour le fun, puis ça s'est développé vite. Fait que, c'est les capsules micro-ondes, hein? Je crois que c'est ouais. disponible sur YouTube. Ouais, si sur YouTube. Il ouais, sur YouTube, y a une page aussi sur Réseau Urbain avec toutes les émissions. Okay. Il y a eu Cool Rock, MC La Sauce, Dirty Taz, Mike Life, Un Étrange, Le Keb, Mathieu Lacroix, L'Intrus aussi. On a une couple de bonnes émissions. Super. Sinon, si les gens ils veulent en savoir plus sur tes projets, les dates de show, tout ça, tu... Ben ça, sur Facebook, quoi? Là. Facebook? Bon, partout. Checker Google Cédric, puis... Mais sur mon Facebook, tu devrais tout trouver aussi. Le Facebook, la vieille école tournée, tes dates de show là. Non, je pense pas que je sois dur à trouver. Là. Puis, exception du lancement, justement, as-tu des spectacles de prévus par après? Ouais, mais j'en ai à Drummond le 1er avril à la Valtrie. 7 mai à Drummond, le 14 mai Charlemagne, j'en ai une coupe de même. Okay. On se prépare une tournée pour les temps chauds. Là. Bon, ben allez visiter la page de Cédric sur Facebook et faites vos recherches. Sinon, je crois qu'on va y aller avec un deuxième extrait. Puis c'est une pièce qui m'a accroché en l'écoutant, c'est l'intro du CD. Peux-tu nous en parler un petit peu? Ben, en réalité, si on parlait de Word Up tantôt, ouais. c'est plus comment j'appellerais ça? Un anti... je me dis moi-même, en réalité. Fait que, tu sais, celui qui va vouloir me dis, il est mieux d'avoir des meilleurs punchs que les miens. Fait que... On va donner le premier round à Cédric. C'est ça. Sinon, ben c'est ça. On va partir avec l'intro. Puis pour les gens à la maison, on revient tout de suite après pour une petite prestation live. Donc, on se quitte avec ça sur les ondes de CISM. Quoi, Cédric revient avec ses textes bas poches pis son flow tout croche. C'est officiel ce gars là, c'est vraiment le plus poche. En plus une face de gars pis une voix qui gosse. J'avais de le faire, j'pense qu'il a fait son temps. Il était meilleur dans le temps quand j'avais 10-11 ans. Aujourd'hui il fait de la prod de petit débutant. C'est un alcoolo fini, accro aux médicaments. Le but est plus grand, sauf qu'il crache sûrement du sang. Il fait sûrement de l'arthrite comme ça vient un moment. Hey, il fait tant de carrière à sucer des gars. C'est lui, c'est le chief, mouche Alexandre le Grand. Hey, fuck Cédric, le b-boy botnik. Ta carrière est morte, le petit lunatique. Il a fait 6 tracks de trop pis ça paraît tout de suite. Il a des pertes de mémoire de plus en plus chroniques. Hey, y'a rien de sérieux dans son rap de con. En plus, y'a rien besoin d'un petit cours d'addiction. Il doit pas faire pas mal de crack, il est tellement méglichaud. Y'a peut-être un cancer, le cancer du colon. Hey, il est chauve en plus, y'a de l'air de vieux mononcle. Oui, le vieux pervers, le vieux mononcle cochon. Celui qui se berce en bobette sous son vieux balcon. Celui qui poigne le fixe quand y'a une paire de nichons. Sa musique, c'est de la merde, oui, de la vraie, de vrai. Hey, mon Dieu, fait en sorte qu'il sort pas de coffret. Je vous le demande poliment, avec que s'il vous plaît. Ce Wack MC, une véritable plaie. Je déconseille d'aller le voir en show. Passer 11 heures, le gars, il rend du show. Il marmonne ses mots, il vomit son eau. Avec une petite fourchette, il se tape des boutons dans le dos. Oui, c'est véridique, Cédric est pathétique. Comme un clown de set qui fait pourrir son public. C'est comme un 2-3, il est plus vraiment là. Il est devenu retardé après sa tune, comme ça. Complice, c'est bon, mais lui solo, ça sac. Ça pue, pis humide comme un anus malpropre. Il est plate à mourir comme un film de fille. Comme une fille qui prend pas le temps de se rouler la pille. Fuck Cédric, le b-boy, fuck Nick. sa carrière est morte, le petit lunatique. Il a fait ce strike de trop pis ça paraît tout de suite. Il a des pertes de mémoire de plus en plus chroniques. Chronique, chronique, chronique. Scratch de DJ Org, c'est l'intro de l'album de CDRK, yeah. La Vieille École, disponible dans les bacs dès le 22 mars. Yes. Un peu partout. Dad, tu nous as choisi un beat pour la prestation live. Ouais, ben tu sais, comme Cédric est pas trop compliqué, dans le fond, il aurait pu rapper sur n'importe quoi que j'aurais vu pareil. D'essayer d'y aller avec un bon beat de Strong Arm Steady, un collectif de l'Ouest américain. Donc, c'est un beat produit par Madlib. C'est du lourd. Donc, ben, on te laisse aller, mon gars. Let's go! Yeah! Yeah! C'est des haricots! Yeah! 26 mars au Café Chaos! Yeah! Sur ma rue, y'a de l'action, ça bouge beaucoup. Y'a du monde super funny pis des méchants coucou. Sur ma rue, y'a de l'action, ça bouge beaucoup. Y'a du monde super funny pis des méchants coucou. Sur ma rue, y'a de l'action, ça bouge beaucoup. Y'a du monde super funny pis des méchants coucou. Bonjour madame coucou, vous faites de très bons cookies. La madame fait des cookies pour toutes les tiques et du bout. Et je rencontre Marcel, le gars qui travaille au Shell. Il me dit salut Cédric, check mon nouveau sel. Je viens pour dire un mot, il me dit minute, ça sonne. Et on se laisse se c'est ma pitoune Chanel. Je continue ma marche comme si de rien n'était. En me disant tout doucement, ben ouais y'en a des épais. Mais on s'en fout, v'là la sexy Steph. Une jolie femme qui habite un joli duplex. Y'a Martin son ex, lui un trop gros chien. Son chien se laisse que sur quasiment tout les terrains. Un jour je vais prendre un sac, je vais mettre les crottes dedans. Puis ça je vais faire bouger devant son petit logement. Y'a des petits voyous, mais ça c'est comme partout. Ici on a Mathieu, dit le docteur fou. Il est tellement fou que sa vie c'est de manger des coups. Mais j'avoue qu'il y a des bons prix quand il est question de bijoux. Ok, c'est l'heure de rentrer, ma femme m'attend chez nous. Tout est beau, j'ai fait le tour, puis y'a rien de nouveau. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Ok, j'enfile mes choses pis j'sorte chez nous. En sortant de chez nous, j'tombe sur Marie-Lou. La fille pas belle qui me trouve de son goût. Celle qui passe son temps me faire des petits yeux doux. Un peu plus loin, j'tombe sur Sébastien. Un pauvre crétin qui se pogne le cul à deux mains. Le gars qui parle beaucoup, mec qui fout jamais rien. Le loser du coin. Hey, j'rentre au dépanne qui joue pas un gros Rick. Avec un sac de chips pis une grosse Kit Kat. Une grosse liqueur flat pis des traces de Big Mac. La moutarde d'amour puis sa super crack. Et salut mon Rick, comment ça va? T'as de l'air en forme, as-tu perdu du poids? Hey salut le pic, tu veux-tu rire de moi? Je vais te faire mourir le nez en dessous de mon bras. Break shot de là avec mon petit caisson. Je m'arrête chez Dan, question de tester l'huplon. Je ressors de chez Dan, j'suis un petit peu rond. Un petit peu, je vais prendre un petit bonbon. Y'a Carole la fuck up assis sur son balcon. La femme a gueule tout le temps, même après ses poissons. Son mari Raymond, il est mort d'une dépression. Après seulement 6 mois de fréquentation. Yeah, c'est des haricots. 22 mars, en magasin partout. 26 mars, lancement au Café Chaos. Yes, yes. Sérieux, c'est cool, man. Un bon petit storytelling, Cédric style. Yes. Dans ma rue. Thanks encore une fois pour la visite. Conseil à tous les gens d'aller se procurer l'album. Disponible dès la semaine prochaine. 22 mars, mardi. Yes, thanks encore pour ta visite, mon gars. Merci à vous. Ça fait plaisir. Yes. All right. Donc, on pourrait peut-être enchaîner avec une tracks. Justement, un artiste qui était avec nous la semaine dernière, Soke. Oui, Soke Demon. Donc, son album de rue Sound System, Soke Sound System. On pourrait écouter une pièce qui m'intriguait beaucoup, puis que finalement, j'ai écouté, que j'aime énormément. La pièce avec Cynical et Paranoise. Oui. Donc, la pièce « Je connais ». On écoute ça et puis on revient par la suite pour parler de jeux vidéo, you know? Alright, alright, yeah. Check this show out, we got a good track coming up right now. Nothing but them smooth sounds and hip-hop going, picking it back old school. We going way back, baby, so okay. Sitting cow paranoids on this track. About to hit you in your head, hooked by Bob Marley, nigga. Yeah. Quick to chop them up and dice them up and slice them shortly. And still I'll stop and talk to ladies, would you like to know me? I'm a real MC who really doesn't like the phonies. If they try to roll me, I'll just eat them up like Rice-A-Roni. In the pot, they go in bundles cause they're tied to homies. Spit it soft, now you're in trouble like the ice that's warming. Up north and of course all of your rhymes are boring. This is why you're boiling in water harder than fire slowly. une belle gang de suckers qui disent qu'ils vont blow up depuis une secousse. Moi j'bouge comme le soca ou le soukous. Y'a de quoi se casser avec qu'est-ce que la sac à sauter. Qu'est-ce qui se passe, je désesquise pas, poche, moi ça va sauter. Il te faudrait au moins un track, une skip pas. Un million de mixtapes pour qu'un single. Ah, les gros contrôles, les fesses, mais les snaps, moi j'sing ça. Oui, j'te l'ai dit, j'suis fou, j'ai j't'assassine sans flip. Quand t'es high, t'es le best au monde, mais ça pue le saumon. Dans la saumure, tu trop trop face au mur. Hey, sans encore dans la graine, ça va être traité de face au mur. J'efface ton murmure, pretty fast, c'est sûr, sûr. Hey, skill ça sans skill ça. MC skinny jean, mes skin, fuck tout skill ça. Continue de te battre pour les peanuts. Ou femme ta gueule, peanuts. Sur le pilote, fly au club avec des fucking peanuts. Les gosses essayent sans arrêt, finissent par se planter. J'ai rien à foutre que tu critiques mon son. J'fais de la musique venant pour les brûler de la vie, garçon. J'veux pas d'ado dans mes shows, ni de petites pétasses. J'veux du gros monde fou qui fout un feu en place. Ma motivation est différente de la tienne. J'ai rien à foutre de toi, toi t'es froid, moi j'suis chaud et jamais tienne. Ah! No puedo negar, agarrar. agarra mi pandeiro y se pone a pegar, saltando, gritando, la familia a gozar. Le doy lo que yo tengo, esa chispita de creer en la vida y rogar a Lupita. Bendíganos, pobres pecadores, en este filme falso de actores. Encuentra la cosa que te mueve y el casco es de agua, mismo si nunca llueve. Ama fuerte hasta que te duela, intenta vivir libre y no esperes que con el tiempo te entra la saudade. Y claro, se disfaz nuestra comunidad. Poco queda y lo tienes en ti, valores, sentimientos, un texto y un beat. Vine a darlo mío a ver si te gusta, mi voz en un toque de batucada. Tropical pa' tu estéreo. Yes, yes, de retour au show le plus MONG en ville. Donc, on vient d'entendre quelques pièces. Après l'entrevue et performance avec Cédric, on a entendu Bougat avec La Mescle. Et juste avant, un petit track de Soke, Je connais, featuring Cynical et Paranoise. Cynical. Donc, maintenant... aujourd'hui, on a comme été à l'envers, ouais. Les entrevues plus vers la fin. Mais étant donné que Cédric était un peu pressé par le temps, on a fait ça au début. On est là, donc, on est là. C'est l'heure de la chronique avec... Oui, puis d'ailleurs, Noëlla, tu t'es fait voler ton poste d'animatrice à la météo parce que Cédric nous a annoncé la température en introduction. Fait combien? Un degré avant? Il fait 6, qu'il avait dit. Ouais, quelque chose comme ça. Il se peut bien. Donc, cette semaine, on fait un retour sur... la grosse soirée d'hier des Word Up Battles, 7e édition, le 7 chanceux. Je vous parle de la tournée lunatique de Booba qui a été confirmée cette semaine. Puis moi, je vais vous parler aussi du lancement de l'album du 13e étage qui aura lieu très bientôt. Alors moi, de mon côté, je vous parle de tous les événements qui auront lieu à Montréal dans les prochaines semaines. Alors, soyez à l'écoute, tout le monde qui nous écoute, prenez les dates en note. Enfin, je débute tout de suite en vous parlant de la soirée Suivez le mouvement. Shout-out au rappeur Boycott qui est derrière ça. Alors, les soirées reviennent avec Karma Achika le vendredi 1er avril prochain, qui sera en vedette au Café K.O. Alors, en première partie, il y aura Kela, Simple Style, Fast, ainsi que ben en fait la musique sera assurée par DJ Mind Game. Alors c'est $10 à la porte, comme je le disais, vendredi 1er avril prochain, Karma Chica qui sera en vedette dans la soirée Suivez le mouvement au Café K.O. à partir de 20h. Yes, sinon hier soir toute l'équipe la plus mong en ville s'est déplacée au Bain Mathieu à Montréal pour aller assister à la 7e édition des Word Up Battles. Hey groupe, j'aimerais ça avoir vos commentaires sur la soirée. No spoilers! On va pas dévoiler les gagnants, ouais. Mais c'était toute une édition pour vrai. En effet, moi pour ma part, ça faisait quelques temps que j'avais pas pu y assister. Bon, je sais que auparavant ça tombait le samedi soir, donc dernière fois, moi et mon frère Anzu, on avait fait l'émission. Ouais. Pendant que vous, nous, on y était. Vous aviez été vous gâter. Bref, non, c'est vraiment cool. J'ai vraiment aimé ça. Puis comme on disait en début d'émission, il n'y a pas eu de problème de quoi que ce soit, du moins rien de grave. Donc non, il n'y a rien eu de grave. C'est une très belle édition. C'était sold out au-dessus de 500 personnes. Hier soir, une belle foule. Puis écoute, moi, un des gars qui m'a vraiment surpris, c'est Donny S de France, parce qu'il y avait un battle international. Oui. Donc le président des Rap Contenders était en ville pour venir battle contre Saim. C'était un gros battle. Ouais, en fait. Vraiment. Des bons punchs des deux côtés. Donc tous les battles ont été vraiment de qualité. Puis ça a répondu aux attentes que j'avais. Là, j'étais pas déçu quand je suis sorti. C'est dur de commenter parce que si on donne trop d'infos, on va dévoiler des gagnants. Fait que dans le fond, les vidéos devraient sortir d'ici quelques semaines sur le site officiel de la ligue qui est wordup-battles.com. On va essayer d'avoir Filigrane en studio très prochainement, venir parler des projets, de l'évolution. En fait, je crois qu'il n'est pas vraiment venu encore nous parler depuis le temps. Donc, c'est ça, à surveiller. Puis, aller faire un tour sur le site officiel de la Ligue. Yes! Voilà! Alors, je poursuis en vous parlant de d'autres événements à surveiller. Vendredi prochain, soit le 25 mars, il y aura la 9e édition du Carnival avec Poirier. Alors, ces soirées qui sont quand même courues à Montréal. Et voilà, ça sera en fait au Belmont du 4483 Saint-Laurent, coin Montréal, à partir de 22h. À partir de 22h, il y aura bien entendu Poirier. Il y aura également DJ Lexis, celui qui est derrière le blog ou le site musicismysanctuary.com. On a également un groupe invité de l'Allemagne dont le nom est un petit peu compliqué à prononcer. Vas-y, vas-y, on a tout notre temps. Slash of Bronx. Pardon? Non, Slash of Bronx. Allez sur Google. Essayez de taper ça pour le faire. Bref, c'est un groupe, je crois, originaire de l'Allemagne qui sera à Montréal lors de la soirée, lors de la 9e édition du Carnival. Donc, c'est à surveiller. Toujours des grosses soirées avec Poirier qui était de la Nuit Blanche. Club Soda qui avait fait quand même du bruit. Toute une soirée. Moi, c'était, je crois que c'est la première fois que j'assistais à une soirée où Justin Poirier était le DJ. Ouais. Puis, sérieux, c'est une brute, là. Soirée, ouais, ouais. Puis, allez aussi regarder son. Il y a un label, je crois, le Also Records, qui a sorti. Et le premier artiste, en fait, c'est un label qui va sortir que des singles d'artistes. Non, le premier artiste, l'Extremis Zen, avec son Rigodon, qui a fait. Tant jasé que beaucoup de personnes ont apprécié. Donc, c'est le premier artiste qui est sorti sur ce label-là. Donc, checkez ça pour eux. Il risque d'avoir tout plein de belles choses autour de ça. Sinon, ben, en fait, on part en musique. Pour ceux qui nous écoutent, deux pièces. On aura Karma Chica avec la pièce Met en l'air de son projet 2K9. Mais on commence le bloc avec Karim featuring Bad News Brown ainsi que Dramatique. Alors on a la pièce hip-hop de son projet Cracheur de feu. Alors vous êtes à l'émission Ghetto Érudit sur les ondes de CISM. Commence avec que j'étais là. Je me dis à ce moment précis que la vie est belle. Freestyle sous la touche, le soleil plombe. Beatbox quand j'enfile mes shoes pour conquérir le monde. Direction le studio, Hendrix dans le iPod. Je me crois dans un vidéo, je m'en bats les couilles de la mode. À une autre époque j'aurais fait du blues. Si je fais du rap c'est plus qu'une question floue. J'arrive chez DDP tranquille. Johnny sur l'instru, c'est du one shot kill. J'attrape le mic, sors les textes. Donne-moi du gnawa et je sors la plume, c'est mon premier réflexe. Retour aux sources, ma musique est plus qu'un produit. J'emmerde les corporations et la bourse. Bienvenue dans mon univers, où elle reste petit et où les vrais cherchent la donne-moi lumière. Donne-moi du gas, comme Miles Davis. Quand j'ai le blues, comme Baby King. Donne-moi du funk, comme James Bond. Pour que je reste hip-hop, comme Brooklyn. Donne-moi du jazz. De l'époque où Beat Rock matait le sampling. Avec le sample in, je crachais le sampling. Le rap c'était everything, là c'est juste anything. La quantité devant qualité, alors je suis Benny King. Je suis dans un board, y'a pas de folie. Je lève le finger inspiré par Marie comme Jésus. Je suis Billy Jean, maintenant j'emmène à ma main. Mais j'ai les pompes trouées, ils ont brûlé mes feuilles. J'étais seul sur un tronc cloué. Chaque poème joué est un psaume trouvé. Quand je l'échange, le monde des mots m'a dit don't do it. Mais je les contourne, non y'a pas de wrong music. Juste des compte bourreau qui contre-coule et ton contre enfloué. La machine saisit les mots, mes blues et chérie. Les baby berries dès qu'ils déguisent les bombes en poubelle. La merde se présente comme un bon coquille. Fais gaffe si t'entends ma poubelle, est-ce qu'il ne donne-moi du jazz, comme Miles Davis. Quand j'ai le blues, comme Baby King. Donne-moi du funk, comme James Bond. Pour que je reste hip-hop, comme Brooklyn. Donne-moi du jazz. Je reste hip-hop comme Brooklyn. pas l'humilité. Dans mes textes, dans mon flow, je vais toujours militer. L'abondance ne veut pas nécessairement dire qualité. Plus je donne, plus je réalise mes possibilités. Le hip-hop n'est pas à moi, j'apprécie son hospitalité. L'aménage à ma façon ajoute un peu d'humanité. Yeah. Dans ce rap game, il y a trop d'imbécilité. Donne-moi du vrai hip-hop pour que je puisse m'éliminer. Donne-moi du jazz, comme Miles Davis. Quand j'ai le blues, comme B.B. King. Donne-moi du funk, comme James Bond. Pour que je reste hip-hop, comme Brooklyn. Donne-moi du jazz, comme Miles Davis. Quand j'ai le blues, comme B.B. King. Donne-moi du funk, comme James Bond. Pour que je reste hip-hop, comme Brooklyn. Donne-moi du... Si la musique pouvait parler, elle dirait je suis fatigué. Si je pouvais lui répondre, je dirais continue de prier. Si la musique pouvait parler, elle dirait je suis fatigué. Si je pouvais lui répondre, je dirais donne-moi du stop, let's go. Si la musique pouvait parler, elle dirait je suis fatigué. Si je pouvais lui répondre, je dirais continue de prier. Si la musique pouvait parler, elle dirait je suis fatigué. La musique dans mon soul. Si je pouvais lui répondre, je dirais donne-moi du jazz. Si la musique pouvait quand j'ai le blues, elle dirait je suis fatigué. Donne-moi du funk. Si je pouvais pour que je reste hip hop, je dirais continue. Donne-moi du jazz. Si la musique pouvait quand j'ai le blues, elle dirait je suis fatigué. Donne-moi du funk. Si je pouvais pour que je reste hip hop. Comme une fusée, 2009 et dans le poche, faisais juste m'amuser, mais t'es j'viens pour te donner du bon son. La game est souffrante, j'négocie sa rançon. On avance, y'a du monde qui recule pendant que le monde tombe. J'touche ma cible comme un missile scud, explosif, dans sous bouscule. C'est du physique, pour ce son, ça me revient en clic, puis en visite, mais t'es si t'es lucide ou fucked up. J'suis venu pour faire la fête, fête, mets ça dans le top. Garde tes j'blase comme un Glock dans le bloc. Fais deux trois appels pour que ça débloque. J'fais un peu de bread, ça défait des locks. Te fournis un high mais pas des intox. Franchis bouge à merveille, t'es sans lock, sans merville. Test du tourner, ça me fait une belle sub. Laisse-moi te faire douter, fermer tes dents. Viens pas hate dans mon show, viens te mêler les dents. Hey comme des cicatrices, t'as besoin de points de suture. Une autre cible d'atteinte, t'as beau faire tes fêtes, tu peux baisser tes points. Je reconnais tes craintes, seule condition pour baisser les mains si c'est tout trop bête. Pique tu rush pour te diriger à toilette. Je perds la piste de danse, je m'assure qu'il n'y a pas de plainte. Pas de naise, bouge sur le beat, joue pas la scène, come on. Machka de son projet 2K9. Allez faire un petit tour sur son site web. J'imagine que vous pouvez retrouver là tous ses projets mis en ligne gratuitement. Et juste avant, on avait Karim featuring Bad News Brown ainsi que Dramatique avec la pièce hip-hop de son projet Cracheur de Feu. Alors Bad News Brown, on sait qu'il nous a quittés de manière tragique quand même. C'est déjà plus d'un mois. Ouais, rest in peace, Bad News. Bonne nouvelle pour les amateurs de rap français. Le gars en ce moment qui bat tous les records de vente là-bas, je parle de Booba, prépare son lunatique tour au Canada. En fait, il va débarquer ici. Ça a été confirmé cette semaine, dans la semaine du 28 mai. Donc le 28 mai à Montréal. Je sais qu'il y a une date pour Ottawa, possiblement pour Québec aussi. Mais pour l'instant, ça se passe le 28 mai à Montréal. Je l'annonce en exclusivité, mais la salle n'est pas encore dévoilée. D'ici quelques semaines, ce sera dévoilé. Donc je pourrai vous donner plus d'informations bientôt. Sinon, ben c'est ça. Si vous êtes fanatique du B2O, ben débarque à Montréal. Le Talak débarque. Alors, je poursuis en vous parlant d'une autre soirée à surveiller le vendredi 25 mars encore au Club 1234 de la Montagne. Je parle ici du party de lancement du 10e anniversaire du Ride Shakedown. Alors, quand on parle du Shakedown, c'est tout ce qui est sport d'hiver. On parle ici de snow et autres trucs de ce genre. Alors, il y aura dans ce party-là comme artiste invité Smith & Wesson. Les billets sont en pré-vente au coût de 10$, sinon c'est 15$ à la porte. Je vous invite à aller faire un petit tour sur le empire.com, rideshakedown.com ainsi que le www.1234montreal.com. Vous pouvez acheter là vos billets ou sinon il y en aura de disponibles à la porte au coût de 15$, je crois. Cool, cool. Sinon, ben, dans les dernières semaines, il y a eu plusieurs sorties d'albums. Dans les prochaines semaines, il y en aura aussi. Un album qui retient mon attention, c'est l'album T'inquiète du groupe 13e étage. Ce sera disponible dans les bacs le mardi 29 mars. Et la même journée, les gars font leur lancement officiel au Belmont, situé sur le coin de Saint-Laurent et Mont-Royal. Donc, on vous invite à aller voir ça. Il y a déjà une vidéo qui est dehors là, sur Internet. Vous pouvez aller voir ça. Puis, j'imagine que les gars vont débarquer à l'émission dans les prochaines semaines. Ça reste à confirmer. Donc, l'album T'inquiète, le 29 mars. Oh. T'as encore une news? Oui, pour nous? Oui. En fait, ce soir, à surveiller, on a l'exposition Tout en carton 2 qui se passe au Cinoshop du 28-17 Ontario Est. Alors, on a les artistes Otek, Ron, Warm ainsi que Astro qui font des œuvres sur du carton. Alors, on risque sûrement d'être l'équipe de Keto Érudit ce soir au Cinoshop. Donc, c'est un rendez-vous. Cool. Sinon, mon bloc musical cette semaine, ça concerne les gars de Boom Bastard. J'ai reçu le projet Cahier d'exercice de Lexic il y a déjà quelques semaines. J'ai pu l'écouter. Je vous ai choisi une pièce avec Prophecy qui s'appelle Sans lumière. Puis Chrono, l'autre membre du groupe, nous a remis sa compilation pour le plan B3 volume 1. J'ai fait le tour. J'ai décidé de vous passer une pièce. En fait, on avait parlé dans les dernières semaines de David Hodges. Donc, j'ai choisi une pièce de Hodges, encore une fois avec Prophecy, qui s'appelle Heart of Gold. Puis, comme deuxième extrait, ça va être... Ça, c'est... Bon, c'est tous des rappeurs québécois, sauf qu'il y en a un que j'ai fait comment? Son nom, il me dit quelque chose, puis il y a Convoque de Bruxelles sur la compile. Je comprends pas trop ce qu'il fait là-dessus, mais il est là. Puis la pièce, elle est très bonne, elle s'appelle « Nos vies sont les mêmes ». Donc, je vais vous présenter ça. Si je me rappelle bien, quand que Chrono était venu à l'émission, il nous disait que c'était surtout des artistes que lui filait, genre, donc c'était genre la raison pour laquelle il y avait Convoque, que c'est, ouais, c'est quelqu'un qu'il aimait beaucoup, puis voilà. Mais c'est un très bon rappeur, justement, de Belgique. Puis la track est très bonne. Donc on va partir avec la pièce de Hodges et Prophecy. On va avoir les pauses publicitaires, puis on revient avec le reste du bloc après la pause. Cool. Voilà. Hey, hey, hey. Hodges. Prophecy. Hey yo, I'm here with a pen and a pad. The world is evil enough. From what I've seen, I can't pretend that it's bad. The government is still stealing, inventing attacks. So I'm betting on wax, finding redemption on tracks. To sometimes resurrecting the past and analyzing the state of the world, I find a message in that. So I'm stressing the facts, cause y'all forgetting the traps. Letting the cash become your main incentive to rap. So I'm reflecting where I'm at. Rapping in the studio, respecting any cats. So we're trying to do a musical. You'll never find me in a club. club will find me. In a cubicle you'll find me giving love to anybody trying to use the flow to build from the ground up. Starting foundation, the road to the top. Disregard all the faking. You need to put your heart and your patience. Prophecy and Hodges, working so hard just to make you it. You need a heart of gold. You people keep talking while we making moves as we walk in. You need a heart of gold. We try to be earth, but you gotta be a part of this earth. So we learn. You need a heart of gold. The world keeps giving a reason for us to be living. But you need a heart of gold. We put it in work, so this is us getting what we deserve. Yeah. Well, I sit down, lay back, and analyze the situation. I see the smiles fading through the pain of devastation. There's no education if you keep the cops chasing. And you can't turn the pages if you keep on getting wasted. I give a fiend a book, my words are like a dictionary. With metaphors, a visionary, and the thoughts are kinda scary. Cause I've been reppin' ever since the world went 9/11. Christmas spirit is gone, cause they're giving on as a present. I don't fall back, I just keep on facing all of my challenges. Acknowledges to find equality between the balances. We keep it going. We need to keep it focused and the flow grow its commotions. Cause they know that we the coolest, so don't hesitate to demonstrate what it's like to elevate the mind of the conscious rap. Cause the realest shit never fades. We don't look gas for claps, so we look facts for raps. So we gotta keep it up cause we the realest on the track. You need a heart of gold. You people keep talking while we making moves as we walk in. You need a heart of gold. We try to be earth, but you gotta be a part of this earth, so we learn. You need a heart of gold. The world keeps giving a reason for us to be living. But you need a heart of gold. We put it in work, so this is us getting what we deserve. Yeah. While the world is killing, we get trapped inside its contradictions. Try to find a living, but only survive the lies if I reach in it. Cause if these open eyes can find a reason why I'm giving a life of wisdom, knowledge, love, plus the sky's the limit, I'll be forever grateful. Because there's people who are never able to experience the sense of rainbows. We got dumb trends, drugs, sex. You could lose your life in one breath. It's like y'all waiting for the sunset. I ain't done yet. It would only take a minimum of a page. You can't afford to live in happiness, a minimum wage. We see the poor struggling, because of the government. They say that we loving it, but they don't know what's a budget. They never had a problem with paying their monthly bills, so they can't understand how Arabics and Africans feel. Right now, I'm just hoping to improve the ways of the system, to see the smile of the children, so we can hope for a better living. You need a heart of gold. You people keep talking while we making moves as we walk in. You need a heart of gold. We try to be earth, but you gotta be a part of this earth, so we learn. You need a heart of gold. The world keeps giving a reason for us to be living. But you need a heart of gold. We put it in work, so this is us getting what we deserve. Yeah, yeah. You know what I mean? Real talk. You need a heart of gold to make it happen in this rap game for real. Right, Archers? Yeah, that's right, Prophecy. We just keep it on the track for real. Yo, be real and do you. Real people analyze. Analyze this. Fake people stop the track. Analyze that. That's all for now. Thanks for listening. Alright, we out. Comment t'informer sur tous les concerts qui ont lieu à Montréal? Une seule référence, Camus. Le seul magazine gratuit dédié uniquement à la musique. Pour découvrir toujours plus de concerts, va sur camus.ca ou profite de la version mobile m.camus.ca. Avec Camus, c'est dans la poche. Magazine disponible dans les présentoirs Pop Media. Rise Against. L'excellente formation punk rock de Chicago présente son sixième album, Endgame. Incluant la pièce Help is on the way. Retrouvez Rise Against avec un son toujours aussi pertinent et actuel. Endgame, en magasin le 15 mars. Arrête, vous écoutez, c'est ISM. Yeah, yeah. Bon, on aime ça. C'est là que ça se passe. Et voilà, confirmé. Et l'arbre est dans ses feuilles. Marie-Laure, Marie-Laure. C'est ça. C'est ça, c'est sur les ondes de voyons donc. Ah oui, la radio... Qui s'inspire des dieux grecs, qui fait sourire beaucoup, beaucoup. Selon moi, la meilleure... CISM, la marge. Plein de bijoux là-dessus. Alors, ça va être du gros stock et de la programmation indéniablement infaillible. Le show le plus mort en ville se poursuit. Alors on monte le son, ça va être mental. Bonne écoute. Let's go. Du 16 au 26 mars, le jazz sera sur toutes les lèvres. Pour sa 11e édition, Jazz en rafale célèbre le jazz au féminin. 24 concerts à l'Astral et au Upstairs et une centaine d'artistes, dont Jerry Allen, Elisabeth Contomanu, Terry Lynn Carrington, Linda O, Shimrit Shoshan, Jane Bonnet, Géraldine Laurent, Julie Lamontagne, Min Ranger et bien plus. Jazz en rafale, c'est aussi le concours de la relève Jupiter Van Doren et des classes de maître avec de grands artistes internationaux. Toutes les informations sur jazzenrafale.com. Un événement présenté par Télé-Québec, l'ULUB et Le Devoir. Après plusieurs années d'études en laboratoire, nos experts s'accordent pour dire que 9 dentistes sur 10 recommandent une bonne brosse. Et pour ce faire, ils vont tous à l'ESCO! En mars, on vous rentre dans les dents avec le 11e anniversaire. Mardi le 15, Antoine Graton. Mercredi le 16, Bad Uncle. Dimanche le 20, Xavier Caféine. Jeudi, Sonny Duval. L'ESCO, pour un blanchiment de mémoire ultra efficace. 44-67-11-7-5! Sean Jones présente Rhythm Nation 2011, samedi le 16 avril au Théâtre Plaza, animé par Annie Dufresne et Dawn Snoot, avec Jacinthe, Leila, Marco Volsi, Sandy Duperval, Trina L, Vinny, Randy Raymond, DJ Dax, ainsi que les humoristes Dave Godet et Alexandre Roy. Invité spécial de la soirée, Keshia Shanté. Billets en vente sur le réseau Admission. Rhythm Nation 2011, samedi le 16 avril dès 20h au Théâtre Plaza, 6505 rue Saint-Hubert. Préparez-vous à la découverte. Vous écoutez CISM 89,3 FM. Je reste toujours dans l'ombre, quand je sors, je vois la lune qui brille. Personne qui m'écoute ici, à part si j'ai halluciné. C'est dans l'underground que je me cache et je travaille mon vécu. Et le mélange de sang et d'angle qui tâche mes cartables. J'ai le visage pâle, c'est bizarre parce que tout ce que je te raconte en ce moment, c'est l'histoire de n'importe quel humain comme moi qui fut comme un anonyme. Parce que trop souvent j'ai pris les racines pour juste m'accrocher. C'est tellement sombre comme un cimetière le soir. C'est vrai que je pense, mais je le fais pas pour vivre mes rêves de temps. Je fais juste prier d'être plus fort devant le miroir parce qu'il vestis noir, à chaque fois je te raconte mon histoire. C'est vrai, c'est quand je suis seul, je vois le pire. Je marche à travers les arbres, je vois les feux noirs. C'est dans l'obscurité que mes paroles sont dessinées. Parce qu'à force d'être sous la lune, c'est le soleil, je veux éviter. Sans lumière que je me suis installé. Mais c'est toujours difficile quand t'as les mains glacées. Le froid, la nuit, la lune et les étoiles. Je suis trop en deux comptes, c'est parce que je veux rester moi. Staying in the dark, cause I was the chosen man. But it keeps getting harder when you live with frozen hands. The cold, the night, the moon and the stars. If I'm too underground, it's cause we stay the way we are. Hey yo, I can't give to people what I teach. Running out of plan, falling from the evil, so I preach. With the hopeless and criminals, you hope in a typical promotion. It's to keep emotion when spirits got me focused. But you know I see it so differently. I'm trying to be, well I'll never be. Lost in therapy, looking at myself, but I'm not seeing much. I'm just a lyrical dude with some beats and a touch. But I'm looking at the clutches. Look, it's disgusting. They hooked up some innocence and turned them to fish and chips. So surprised, cause they got no morality. Gotta stay true to myself on the melody. The path that I was given is so underestimated. Commercial will break it, but the underground will save it. But I'd rather stay in the dark and keep it real. Cause if I can't shine, I see the light and I'll retreat. Staying in the dark, cause I was the chosen man. But it keeps getting harder when you live with frozen hands. The cold, the night, the moon and the stars. If I'm too underground, it's cause we stay the way we are. C'est sans lumière que je me suis installé. Mais c'est toujours difficile quand t'as les mains glacées. Le froid, la nuit, la lune et les étoiles. Je suis trop en deux comptes, c'est parce que je veux rester moi. Dans ma tête, c'est pas toujours beau, souvent le tonnerre trône. Tu comprends, j'suis tellement rien quand j'ai pas d'aide fonde. Je veux seulement rester sous terre, même si des fois c'est mal éclairé. Je sais que je prends des risques, mais t'es pas obligé de me passer les dés. Ma pression est forte, mais mon sang gèle pas. Je suis toujours dans ma cave, entouré de chandelles mortes. Sans lumière que ma vie se résume. J'essaie de voler dans mes rêves, mais on brise les plumes. Hey yo, I'm on the ground, so I'm grounded and I'm down to earth. I'm the voice of the people, a messiah first. Holding tight to the roots, got the hype and the moves. Cause the light of the moon keeps me bright when I choose to remain in the shadows, maintaining the battle. If you think that I'm a shallow, you should try to follow the prophecy and lexic. We take notes, so we stay far from the market and the lame folk. Staying in the dark, cause I was the chosen man. But it keeps getting harder when you live in frozen hands. The cold, the night, the moon and the stars. If I'm too underground, it's cause we stay the way we are. C'est sans lumière que je me suis installé. Mais c'est toujours difficile quand t'as les mains glacées. Le froid, la nuit, la lune et les étoiles. Je suis trop en deux comptes, c'est parce que je veux rester moi. D'échecs cuisants, chaque fois que quelqu'un part, j'appréhende le décès suivant. J'ai rien fait d'exceptionnel, si ce n'est que je rappe et que je suis foutu d'ouvrir un dictionnaire. Je suis pas millionnaire, je me contenterai de la petite monnaie. BX, les grands et les petits me connaissent. Je rappe parce que je connais pas, je suis un type honnête. J'ai trop de potos dans la merde et dans la file de l'ONEM. À ceux que j'aime, je dirais je kiffe aux têtes. Et même à ceux qui crachent sur nous, je dis pas nique faux mère. Je suis de BX, trop fier, veste en cuir, peau de pêche. Rares sont les gars de ma zone qui rentrent en discothèque. Alors on crie trop de pêche, on chipote, on se dit qu'on rêve de filles trop belles. Alors on s'isole, j'aimerais construire quelque chose comme Citroën. Je suis un sniper, quand je rappe, je vise l'oreille. Un père m'a dit, fils l'oseille, c'est comme les filles, ça va, ça vient. Si t'en veux trop, tu feras pas ça bien. Putain, y'en a qui voient juste sur ma planète. Y'a autant de gens tristes que de voitures. J'en fais partie, j'ai autant de soucis que je dois tuer. Du mal à faire confiance, y'a trop de discours que je crois plus. Y'a des trucs que je ferais pas, faites une croix dessus. J'ai appris que la vie ça faisait mal après trois chutes. Nos vies sont les mêmes, c'est dur mais c'est possible. Toi aussi c'est dur mais c'est possible. Je te tiendrai la main pour un futur moins fragile. Tu sais de quoi je parle, la rue ressemble à la tienne. Éclairé avec des gens déçus mais pas désespérés. J'ai des rêves par dizaines serrés dans mon crâne. J'en ai mais j'évacue ma haine en chanson. Je rappe le mal-être pour me sentir bien. J'ai grandi dans ce système, je suis comme la banquise, je tiens. Mais je sais pas jusque quand je pourrais le faire. Dans mes soucis je veux rester droit comme la tour Eiffel. Mec, la vie c'est le parcours des chefs. Ouais, c'est un repas complet avec une tarte pour le dessert. Relevez-les, je veux voir toutes les têtes. Bouge tes fesses, poto, je veux que tu touches tes rêves. Sache que le chemin de la paix n'est pas fait que pour les faibles. Je veux rallumer des étoiles à l'heure où toutes s'éteignent. Ok, je veux pas finir en me demandant ce que j'ai fait de bien. Non. Alors je balance mes infos comme TF1. Je mentirais si je disais que j'ai rien vu de bon. J'essayerais de faire mieux, au moins jusqu'à la fin du monde. Je veux voir les petits frères, les petites sœurs avec le diplôme. Je veux pas qu'ils écoutent des conneries chantées par des mythos. D'où l'importance de rapper à notre âge. J'ai autant de puissance et de rage devant le mic que devant Mario Kart. Quand je rappe, je parle de chez toi, mais je t'embarque autre part. Fonce, grimpe dans mon bateau si t'en as l'occasion, c'est que. C'était Convoque, un artiste de Bruxelles en Belgique qui nous a présenté la pièce « Nos vies sont les mêmes ». On a eu aussi une pièce de David Hodges avec « Prophecy »,« Heart of Gold » et un extrait du projet de Lexic Cahier d'exercice, on a eu droit à Sans Lumière, encore une fois avec Prophecy. Prophecy qui est un dope rapper anglophone qu'on a déjà reçu ici à l'émission. Ouais. J'ai très hâte de voir ses futurs projets. Donc, on continue l'émission. On a un autre invité dans la place à être. On a Jules. Je l'ai présenté tantôt comme le porte-parole officiel de gros joueurs. Comment ça va, man? Ça va bien, mais je peux comprendre ta confusion parce que ouais. j'ai les équipes pleuvent sur mon dos. Là. Exactement. C'est quoi déjà mon dernier, là? Philadelphie. Philadelphie, non, mais le nom du dos dans la question. Beckett. Exactement. Andrew Beckett. Voilà. Donc, je vais y aller avec une petite description du truc. On présente Gros Joueur comme un rassemblement social non geek de fans de jeux vidéo pour qui il est normal de jumeler cette passion avec une vie sociale et sexuelle active. C'est ça? Exactement. Ça... Je reprends les mots de Enzo. Oui. Mais en fait, je pense que ça a déjà été dans un communiqué quelconque. OK. Puis en fait, c'est ça. Le Gros Joueur, c'est oui, c'est des événements, mais en fait, c'est tout un mouvement qu'on veut faire autour des jeux vidéo. Mais en fait, ça vient d'une constatation. En fait, là, à la base, Gros Joueur, comment ça a commencé? C'est moi et puis un autre, un de mes boys qui est OG, qui est un collaborateur de 33 Mag, qui fait des vidéos. C'est lui qui fait les sessions microfilm, qui a fait aussi les 16 bars. Montréalisme aussi. Oui, ouais, Montréalisme aussi, c'est ça. Et puis donc, on parlait ensemble, puis on réalisait qu'il n'y avait pas beaucoup de médias au Québec sur les jeux vidéo, mais oui, il y en a, mais les médias, ils sont soit trop geeks, ou sinon, ils sont juste carrément inintéressants. Denis Talbot, genre, ou... Ben non, je pense que Denis Talbot, il fait partie du paysage depuis vraiment longtemps, puis il fait une bonne job, mais il y a pas beaucoup de choses à part ça. Il va y avoir des petites chroniques dans des journaux, mais c'est pas assez diversifié. Puis on réalisait que tout le monde joue à des jeux vidéo. Maintenant, c'est plus quelque chose qui est considéré comme une forme de réclusion sociale où les joueurs sont plus ostracisés autant qu'avant. Si on regarde là, des jeux comme NHL, où il y a des personnes qui jouent jamais à des jeux vidéo, mais qui vont être capables de jouer 20 heures par semaine à ce jeu-là, tu sais. Ouais, c'est clair. Fait que dans le fond, c'est un peu ça qu'on veut faire avec Gros Joueur, c'est sortir le... Ben, c'est remettre ses lettres de noblesse aux jeux vidéo, puis de remettre l'aspect social qu'il y avait avant les années 90, début 2000, avec des jeux, justement, les personnes qui se rassemblent dans un salon, qui jouent ensemble. Donc, aller chercher cet aspect nostalgique-là, puis le remettre dans un contexte de bar. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, bon, avec tout ce qui est les jeux en ligne et tout, souvent, ça peut créer une forte dépendance. Tu sors plus de chez toi, tu parles plus à personne, excepté tes amis en ligne. Donc, c'est vraiment pas ça. On retourne à la base. C'est les jeux rétro que vous mettez de l'avant. Puis c'est ça. C'est dans le fond, c'est faire un party avec tout ça. Là. Je pense qu'il y a tout l'aspect aussi de nostalgie. T'sais. Tout le monde a joué à Mortal Kombat, du moins presque tout le monde. Tout le monde a joué à Street Fighter. Tout le monde a joué à GoldenEye. C'est des jeux qui ont vraiment marqué la jeunesse de presque toute notre génération. Donc, oui, c'est ça en fait. Puis c'est qu'on veut prendre ces jeux-là, oui, l'aspect nostalgique, mais c'est beaucoup l'aspect social. Comme je disais, qu'on serait aussi ouvert à faire des compétitions avec des jeux qui sont plus récents, mais tant que c'est des jeux qui ont un aspect rassembleur pour les personnes, c'est ça. Puis dans le fond, là, c'est ça, là, le prochain événement qu'on fait, c'est demain. Demain à la Sala Rossa. Et puis, c'est une belle place. Oui, c'est vraiment une belle salle. Puis, c'est vraiment un happening, un gathering. C'est plus que la compétition. Parce qu'en fait, là-bas, il va y avoir des kiosques de jeux, il va y avoir des arcades. Aussi, ça se passe dans un bar. Donc, c'est l'ambiance conviviale d'un bar. Parce que tous les fans de Retro Gaming, ben maintenant, ils ont l'âge d'aller dans des bars. Fait que c'est ça. Si on n'a plus besoin de faire des mélanges de vin et de crème de menthe. Fait que dans le fond, c'est que ça c'est vraiment ça, c'est de recréer cette ambiance-là sociale. Et puis, donc, l'entrée est gratuite pour tout le monde. Puis les jeux qui sont en compétition. Ouais, quel jeu on propose cette fois-ci? Pour cette fois-ci, les jeux en compétition, c'est Mortal Kombat 2 au Super Nintendo, ainsi que GoldenEye 64 au Nintendo 64. Moi, je suis pas vraiment un gamer dans la vie, mais GoldenEye, j'ai joué pas mal. C'est un des jeux que j'ai joué beaucoup. Comment ça fonctionne, la compétition? En gros, là, c'est ouvert à tout le monde. On se présente là-bas, on peut s'inscrire sur place. Oui, comment ça fonctionne, c'est possible de s'inscrire sur place, mais aussi en pré-vente. Donc, il y a des billets en pré-vente, c'est ça, sur le site grosjoueur.com, grosjoueur au pluriel. C'est possible d'aller chercher des billets. Sinon, à la porte, il va y avoir aussi des billets qui vont être disponibles. Et puis, en fait, c'est 10$ par jeu pour s'inscrire. OK. Et puis, ce qui est intéressant à savoir, c'est que pour chacune des compétitions, pour Mortal Kombat, il y a 150$ en prix, avec un trophée aussi à l'effigie de Mortal. Et il y a aussi un trophée à l'effigie de GoldenEye. Avec 200$ pour GoldenEye en jeu, on the line. Puis est-ce que ça se passe quoi? S'il va y avoir un écran géant? Ouais, les matchs sont diffusés sur des écrans géants et il y a aussi, ils sont commentés par justement votre ancien collègue. Toujours collègue. Toujours collègue. Enzo. Enzo, c'est ça, qui est là avec Slim, l'autre commentateur. Qui est, oui. Slim qui... Montréal Underground. Exactement. Ouais. Avec qui admet les MUDJ Battle. Fait que dans le fond, c'est un peu comme un match de hockey dans un sens. Les gars vont commenter l'action sur place. Un match de hockey mélangé avec un match de lutte. Là. Ouais, c'est plus proche. Ça, les commentateurs sont plus proches des commentateurs de lutte, en de fait. Lutte, là. Parce que c'est un niveau trash qui ne pourrait pas passer à RDS. Là, au niveau du langage. On n'aura pas de Benoît Brunet dans la place. Là. Non. Puis c'est ça, donc les matchs sont commentés pour mettre du piquant un peu dans ça. Et puis, donc c'est ça aussi, juste un exemple de truc pour autre promotion qu'il va y avoir, c'est pendant la compétition de Mortal Kombat, si quelqu'un fait une fatalité, eh bien il y a un shooter automatique. C'est quand même cool. Combien de personnes vous attendez au niveau des inscriptions? Est-ce qu'il va y avoir des dizaines de joueurs? Il y a 32 places par jeu. Okay. C'est ça qu'il y a présentement. Et puis, mais comme je disais, l'entrée est libre pour tous parce qu'il va y avoir aussi de l'animation. Il y a aussi là, les gars de douteux.org, ouais. douteux.org, qui vont être là avec un kiosque de vieux jeux vidéo douteux. Ça va aussi être une chance possiblement unique pour essayer un authentique Power Glove fonctionnel. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une bébelle en plastique. C'est une espèce d'exosquelette de main qui sert à contrôler le vieux NES. Puis ça marche vraiment mal. Sur le premier Nintendo. Sur le premier Nintendo. Ouais, ouais, je me souviens. C'est genre que quand tu étais jeune, il y avait des pubs comme quoi tu pouvais frapper, ouais, comme dans le vide, puis que ça fonctionnait. Mettons un Punch-Out. J'avais juste le gun pour jouer à... gun. Ouais, c'est ça. Mais ouais. Si il y a des personnes qui connaissent le film The Wizard, il y avait le méchant qui avait le Power Glove puis qui disait « It's so bad ». À vous déterrer des vieilles pubs de jeux vidéo. On va pas déterrer les vieilles pubs, mais par exemple, il va y avoir... ça, il y a un autre défi qui va être présent pendant la soirée. C'est les gars de Douteux qui ont conçu un petit boot dans lequel on a le visage à quelques pouces d'un écran avec un casque sur la tête isolé dans une bulle. Et c'est le film Mortal Kombat 2 qui va jouer. Donc, c'est une test des capacités mentales des personnes pour voir combien de temps ils vont être capables d'expérimenter l'expérience. Gros concept pour vrai. Très hâte de voir ça. Demain soir à la Solarossa. Donc c'est ça, les gens ils peuvent se déplacer là-bas gratuitement. C'est 10$ d'inscription pour participer à la compétition. Il y a un trophée, des prix en argent, des shooters. Gros dimanche soir. Hein? Ça commence, c'est ça, les portes ouvrent à 7h. La compétition commence à 8h. Donc à 8h, c'est la compétition de Mortal Kombat qui commence. Et invitez vos amis. Puis bon, l'équipe derrière ça, c'est l'équipe de production, là, c'est toi avec OG 33 mètres. Avec OG, c'est ça qui est le core. En fait, on est le core pour Gros Joueur en général, parce que Gros Joueur, c'est aussi un blog qui va débuter bientôt. Puis il y a aussi des capsules vidéo qui s'en viennent. Tout ça, ça c'est en branle. Ouais. Donc il va y avoir plus d'informations sur ça qui va venir par le futur. Mais pour les événements, il y a aussi Slim qui fait partie à part entière de l'équipe. Okay. Il y a aussi les gars de... Les deux frères Enzo Eto qui font partie de l'équipe. Ben, d'ailleurs, c'est aussi Da qui va être au platine pendant la soirée. Donc pour les amateurs DJ de Da. Ghetto yeah, érudit. Ta DJ. Ça va être l'occasion de le voir en live. Ne lui serrer la main. Oui, pincer une joue, quelque chose. Je vais être déguisé en Mario Bros ou en Luigi. Là. Ben, ça serait nice, les deux bros. Calotte rouge, une calotte. Avec mon nom de famille Mario. Mario ou Luigi Mario. C'est manque. Donc, justement, si on revient vite fait, c'est grosjoueur.com, grosjoueur au pluriel.com. Exactement. Ça sera la future adresse du blog. Oui, c'est aussi... En fait, présentement, il y a un blog, mais qui est un design temporaire qui sert uniquement pour les inscriptions. Mais le vrai blog va venir très prochainement et vous allez en entendre parler. Puis au niveau du contenu du blog, on peut s'attendre à quoi? Est-ce que ça va être de l'actualité sur les jeux vidéo? Est-ce que ça va être plus rétro, jeux vidéo? Il va y avoir... En général? Il va y avoir des chroniques assez différentes. Aussi, c'est ça, c'est qu'on... Oui, il y a l'aspect social, mais c'est qu'il y a aussi un aspect un peu plus, intellectuel d'une certaine partie de... de s'intéresser un peu à la mise en marché des jeux vidéo, à s'intéresser à des choses qui vont sortir un peu là, de juste reviewer des nouveaux jeux, parce que c'est juste ça qu'il y a dans... En fait, des critiques de jeux vidéo récents, c'est juste ça qu'il y a dans les médias. Fait que c'est pas quelque chose vers quoi on va se diriger. Okay. Mais il va y avoir aussi beaucoup de trucs humoristiques assez trash aussi, là, qu'on va mettre. Ça va être très diversifié. Des blogs d'opinion, des chroniques souvenirs d'enfance, donc plein de choses comme ça. Super. Sinon, à côté de ça, je sais que t'as des projets dans la musique. T'as une compilation, je crois, qui est en préparation. Ça se peut-tu? Oui. Il y a une compilation. En fait, c'est la suite de L'École des Losers, qui était une compilation que j'avais sortie avec Murph. Ça fait trois ans, je crois. Ouais. Et puis, donc, c'est la suite. L'École 2, le redoublage. La compilation est déjà presque finie d'être enregistrée et ça devrait être terminé pour le début de l'été avec beaucoup de collaborateurs dessus. Donc oui, moi et Murph, on est quand même très présents. On voulait faire un vrai retour étant donné que ça faisait longtemps qu'on n'était pas sur la scène. Ouais. Et puis, mais il y a aussi la présence de Crooks, il y a aussi Saint-Sou, Cédric, Maybe Watson. Il y a un gros passicotte avec 16 MC. Donc ça promet. Donc, Da, tu nous as préparé un petit bloc musical? Ouais, ben, on pourrait écouter une petite pièce d'un artiste américain qui s'appelle Blue, qui rappe sur... en fait, il va sortir un album éventuellement sur des beats de Flying Lotus. Flying Lotus qu'on sait qu'il utilise, qui a un style de production très difficile à définir. Et puis bon, la pièce que je vais vous passer, c'est comme un petit clin d'œil aux gros joueurs, puisque bon, il y a beaucoup de... d'émulation de bruit 8 bits dans l'instrumental, donc c'est pour faire plaisir aux nostalgiques. Puis après, je vais vous trouver quelque chose d'autre là, pour pouvoir clore l'émission en beauté, you know? C'est parfait, ben merci beaucoup pour ta présence, puis on n'oublie pas demain, gros joueur au 48-48 Saint-Laurent à la Sala Rossa dès 19h, c'est gratuit. Yes! Juste avant... J'aimerais mentionner que Da est un champion de Mortal Kombat 2 et que vous aurez l'occasion de lui crisser une race. En fait, c'est plus de Street Fighter 2, mais Mortal, ça va être difficile. Bref, je vais participer pareil. Provide narration for this female dude. Besides explanations, got the details too. Plus this dude got more sold than a retail shoe store. Said it's all good, she rock booster. I said y'all should, let's boost her. Ayo, word on the church, we're trying to boost smoke. No bull, wise like an old fool. Ray-Bans cover the eyes like old wool. Hey, a man's a hell of a guy, and so cool. Maybe cause he rule like Sir Lance. Got pulled like a mule down her pants. Crafter with the lens first glance. Then she's Kurt Ramp. Dirt hands in my worst stance. With the AK though, like sure man. You would think the world would know it by the third jam. Still make him say his name twice like Durant. Durant's a sell like a Duracell. Sat by a well in France to find a pure whale. Showed up in a bunny suit, furry tail. Talking about hurry up, I need a Mac flurry, yo. She lucky that she cute as hell, curly. That's when my current girl calls the world current. Had to stop by the make a pearl purchase. No diamond, but she sure worth it. Car failed, oh hell, had to slide my right hand in the purse. Just trying to rap, but couldn't get this mic stand to work. Damn. The first, third, never made it home. That's what a hood nigga get for trying to say a poem. Alan Poe at the rave, trying to save Simone, shout it, you play Grace Jones. Blame it on Savior on the phone, got tapped. Last words was a slur for his bones. Got cracked past Christmas. Homes can't rap, snatched up his wish list and smoked Santa Fe. Next holiday, the hood got roaches. Mom said, why? She said, they asked to be the dope. Pistols in my cup, swimming. Twist it up, spring for Tinkerbell up in the blunt. Wiggy. Yeah. Ham hocks on the Kirsten Dunst. Yeah. Y'all is the real or do I only live once? Live it up. Yeah, lift it up. Peter Pan pistols in my cup. Twist it up, spring for Tinkerbell up in the blunt. Wiggy. Yeah. Un gros merci à nos invités ce soir. On avait Jules pour Gros Joueur. On vous rappelle que ça se passe demain dès 19h à la Sala Rossa. Un gros merci aussi à Cédric CDRK, le vieux chef qui sort l'album La Vieille École le 22 mars. Ce sera disponible dans les bacs un peu partout. On vous invite à aller visiter notre site internet, le www.ghettoerudit.com. Puis pour tous les amateurs de réseaux sociaux, ben, Ghetto Erudit sur Facebook. Allez aimer notre page. Puis on a aussi Twitter. Pour les Twitter, twitter.com/ghettoerudit. Je rajouterais aussi sur le site web, cette semaine, j'ai sorti les gems de la semaine. Oui. C'était un retour avec Impasse pour ses trois apparitions qu'il a faites à Ghetto Erudit au fil des ans. Puis c'est quand même très intéressant. Trois gros freestyles qu'il nous a offerts. Un en 2006, un en 2008, puis un l'année dernière. Donc c'est très, très fresh. Checkez ça, allez. Ça vaut la peine, ça vaut la peine. C'est exclusif, fait que c'est du GE Production. Hmong Entertainment. Voilà. Donc on se quitte avec une petite pièce, puis on se retrouve la semaine prochaine. Yes. Même heure, même poste. Donc cette semaine, on va se laisser avec un tracks qui a jamais sorti officiellement. C'est Gnarls Barkley, un groupe quand même très populaire avec Danger Mouse. Et puis Jay Electronica qui avait remixé leur pièce Who's Gonna Save My Soul, qui était selon moi une des meilleures tracks de leur album, leur premier album. Donc ben, on écoute ça, puis comme je vous dis, revenez-nous la semaine prochaine. Ça va être toujours aussi mong comme à chaque semaine, you know? All right, peace. When this someone spoke, I listened. All of a sudden, has less and less to say. Oh, how could this be?